quel ennui. À la Matrix ou à l'ancienne, pour les grands et les petits. Ce qui m'emmène au ciel, au vent dans mes ennemis. Des trous sans les plus belles, est-ce qu'on y est une vie. Je préfère la vraie vie, un songe, écumant les paravins, oubliant le passé qui me ronge. Pour boire, je suis paradin. Et je monte à l'échelle, les anges et le paradis. Séraphin et Lucelle, tous les vices sont permis. Oui, j'aime l'artificielle qui te place dans mes bras. Tu ris, tu es si belle, tes yeux parfums d'antan. Ton corps jamais rebelle, je pleure comme un enfant. Parfum d'antan, ton corps jamais rebelle.